Dimanche 22 mai, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Mais veuillez nous excuser de ces 3 minutes de retard. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, en visite officielle de 3 jours au Burundi, se rend aujourd'hui à Machiti, où sont construits des bâtiments de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, un projet régional de 3 pays. 16 Burundais sont incarcérés à Ngozi depuis la nuit de vendredi à samedi. Ils ont été surpris alors qu'ils allaient vendre des sacs de café au Rwanda. Dans cette édition, on parlera également des grognes des riziculteurs de la commune Manda, occupant les terres domaniales de Gifurwe. Ils se lamentent qu'ils ne peuvent plus irriguer leur champ de riz. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Anselme Irambona. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, au deuxième jour de sa visite au Burundi, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi vient de se recueillir à la tombe de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, où il vient de déposer une gerbe de fleurs. Il est également prévu que le numéro 1 congolais, en compagnie de son homologue burundais, visite les constructions de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, situé à Machiti, avant de visiter les champs de la coopérative Valorisons Notre Sol Vasso, situé dans cette localité de Machiti, en commune Guéheta de la province Gitega. Et pour rappel, IRAS, c'est un projet régional rassemblant 3 pays, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et les Congolais vivant au Burundi qui se sont déplacés hier pour accueillir le président congolais à l'aéroport international Melchior Ndadaye demandent que soient analysées les questions relatives à la sécurité et à la coopération des 2 pays, surtout les échanges via la frontière de Gatumba. Concernant la sécurité à l'est du Congo, je demanderai à notre président de la République démocratique du Congo afin qu'il puisse causer avec son homologue du Burundi pour qu'il trouve une solution d'ensemble pour trouver la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons au moins demander à notre président qu'il y ait un calme, la sérénité. Tu vois que la paix, c'est ça la vie. Sans la paix, c'est terrible. Je sais qu'à sa compétence, je crois qu'il est capable de faire tout afin que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Concernant le Burundi et la RDC. Nous voudrions que le président intervienne pour les problèmes des tests Covid à la frontière. Nous avons des problèmes parce que quand les Congolais traversent la frontière vers le Burundi, à la frontière, on nous demande le frais du test Covid, $15. Je demanderai au président de la République démocratique du Congo, comme il est ici en visite en République du Burundi, à ce qu'il puisse dialoguer avec son homologue à propos du test de Covid là aux frontières de Poste Gatumba. Là, il peut même négocier sur la réduction de ces $15. Alors nous, étant Congolais, nous avons comme doléance que le président puisse nous aider afin que ces frais-là soient supprimés. Nous voulons que les Congolais passent là-bas librement sans payer ces frais-là pour le Covid. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. 16 personnes, toutes de la commune Busiga, sont depuis hier, samedi, au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Elles ont été surprises avec des sacs de café dans cette commune la nuit de vendredi à samedi. Ils allaient vendre frauduleusement ces sacs de café au Rwanda voisin, d'après le procureur de la République à Ngozi, Franck Ngomanziza. Ces hommes sont en train d'être auditionnés par le parquet. Leur dossier sera bientôt fixé en audience de flagrance, d'après le procureur de la République à Ngozi. Parlons agriculture à présent. Les riziculteurs exploitant les terres domaniales de Gifurwe, en commune Mhanda de la province Bubanza, se lamentent et disent que la production ne cesse de chuter suite au manque d'irrigation. À la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage à Bubanza, l'on tranquillise et on précise que le problème sera bientôt résolu. Une correspondance signée Spes Caritas Kabanyana. Ces riziculteurs qui exploitent ces terres de manioc situées à Gifugwe en commune Manda et qui couvrent une superficie de 384 hectares déplorent le fait que la production a tellement diminué suite au manque d'eau d'irrigation, comme le dit ce cultivateur. Auparavant, il y a eu de l'eau, même si ce n'était pas très suffisant. Durant une période où on en avait besoin beaucoup, ça a beaucoup diminué et ça a entraîné des pertes énormes du point de vue de la production. Et là où on s'attendait à voir des récoltes qu'on peut estimer à 10 tonnes, on a pu y avoir 5 ou 4 tonnes seulement. Il y a eu au fait une grande diminution de récoltes. Nous demandons aux autorités compétentes de venir en aide et de voir comment ils peuvent résoudre le problème. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bobanza, on reconnaît ce problème auquel on est en train de voir comment le résoudre. Emmanuel Ndikubaganwa, directeur de la DPAE Bobanza. Nous sommes au courant de ce problème parce que ces riziculteurs qui exploitent les champs domaniales de la ferme Gifugwe se lamentent et qu'ils n'ont pas suffisamment d'eau d'irrigation. Surtout pendant la saison sèche, parce qu'au cours de la saison B, ils utilisent l'eau provenant d'une rivière qu'on appelle Gifugwe, qui, par après, au cours de la saison sèche, diminue au fur et à mesure. Mais les natifs de la province ont déjà commencé à initier un projet de connecter la rivière Nyakadahwe à la rivière Gifugwe pour que par après nous puissions construire un emballage qui pourra irriguer ces champs de la ferme Gifugwe mais également de l'autre côté de la SRDI pour les exploitations de 700 hectares. Ces champs rizicoles de Gifugwe sont exploités par les populations regroupées dans des coopératives sangwe de toutes les collines de cette province de Bobanza. Bobanza, Space Caritas Kavanyana, Radio Isanganiro. De la province Bobanza, l'ouest du Burundi, rendons-nous en province Makamba. C'est au sud du pays où la mesure qui a été prise par le conseil communal de Makamba est déjà en vigueur depuis le 25 mars reste maintenue. Selon le nouveau contrat de 2 ans renouvelable, toutes les échoppes de ce marché sont dans les mains de la commune. Aucune sous-location n'est autorisée. Au moment où certains commerçants victimes de cette mesure grognent, encore demande la liberté d'usage de ces échoppes. Le vice-président du conseil communal les appelle à ne plus les vendre ou de les donner en location. Il a dit ce samedi à la sortie d'une réunion extraordinaire du conseil communal. Le point avec Élisée Kwizera depuis Makamba. Les commerçants du marché central de Makamba sont actuellement régis par le nouveau contrat de 2 ans renouvelables il y a presque un mois. Ceux qui ont été consultés pour signer ce contrat sont les commerçants à présent sur terrain, y compris les locataires, et paieront directement les frais de location à la commune. Bien que la situation se présente ainsi, certains des sous-locataires ont refusé de signer le nouveau contrat pour ne pas susciter le conflit avec ceux qui leur ont donné les échoppes en location. Quelques commerçants et surtout les victimes de cette mesure grognent encore, disant qu'ils n'ont pas été avisés avant sa mise en application et avaient souhaité s'entendre eux-mêmes avec leurs sous-locataires. Alors qu'ils avaient demandé que ce contrat soit révisé pendant sa présentation par certains membres du conseil communal pour qu'ils utilisent librement les échoppes du marché et à condition que l'intérêt de la commune reste respecté, le vice-président du conseil communal, Innocent Nimagaritse, parle de la non-révision et leur conseille de ne plus vendre ou donner à location ces échoppes. Au sujet de ceux qui n'ont pas encore signé ce contrat, il y raconte qu'une réunion est prévue à leur intention et que les concernés pour chaque échoppe seront invités pour les convaincre en vue de trouver celui qui va le signer et qu'à défaut de succès, elles seront données aux autres. Cela a été dit ce samedi, juste après l'assemblée extraordinaire du conseil communal. Depuis Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Page culturelle à 13h08 dans le studio de la radio Isanganiro. Le manque d'écoles cinématographiques au Burundi, la culture de la population burundaise de ne pas regarder les films, sont certains des obstacles empêchant le développement du secteur cinématographique au Burundi. Ceci a été évoqué jeudi par le chef de programme au sein du FESTICAB lors du lancement des travaux de la 13e édition. Pour trouver solution à ce problème, Bertrand Gahimbare demande à tous les intervenants du secteur cinématographique de s'asseoir ensemble. Suivez. Le défi que nous rencontrons toujours, c'est le manque de moyens suffisants pour quand même on puisse organiser tranquillement toutes nos activités. Mais aussi, il y a aussi le manque de connaissances. Le manque de connaissances parce que ici au Burundi, nous n'avons pas encore une école de cinéma. Mais aussi, il y a le manque de matériel. Parce que les cinéastes, vraiment, ils font de leur mieux. Mais quand même, côté matériel, vraiment, il y a un grand problème. Mais quand même, ils essaient de se débrouiller. On salue l'effort qu'ils font déjà. Et quelles solutions proposeraient pour trouver solution à ce problème? Les solutions, on peut proposer. Il faut que quand même tous les intervenants du secteur cinématographique puissent s'asseoir ensemble et essayer de voir comment ils peuvent contourner ces problèmes. Parce que des fois, vous vous demandez qu'est-ce que l'État peut faire. Mais l'État, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Nous qui intervenons dans ce domaine du cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à nous de s'asseoir et de réfléchir à des solutions qui peuvent faire avancer le 7e art burundais. Actualité internationale. En actualité internationale, les amateurs du ballon rond ont toujours soif de savoir le champion de l'English Premier League qui n'a pas encore déterminé son leader à sa dernière journée ce dimanche. À la différence d'un point unique, de Manchester City et Liverpool sont chacun au point de se qualifier. De même chose qu'en Italie où l'AC Milan et l'Inter partageant le stade de San Siro sont toujours en lice. Et le chancelier allemand entame ce dimanche 22 mai une visite dans trois pays africains. Ils seront au Sénégal, au Niger, puis en Afrique du Sud. Cette visite va durer jusqu'au mercredi 25 mai. Au cours de cette tournée, le chancelier allemand abordera des questions de coopération économique et de sécurité. Et tout comme une grande partie de l'opposition guinéenne, la CDAO a rejeté la transition de 36 mois proposée par les militaires au pouvoir. Les autorités guinéennes n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement en estimant ne pas avoir de leçons à recevoir de la part de cette organisation. Selon le site web de la Radio France Internationale, RFI, voilà. À 13h11 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais vous retiendrez qu'au deuxième jour de sa visite au Burundi, le président Félix Antoine Tshisekedi vient de se recueillir à la tombe de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, où il a déposé une gerbe de fleurs. Il va également se rendre en compagnie de son homologue burundais, là où sont des bâtiments de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, situé à Machitsi, avant de visiter les champs de la coopérative Valorisons Notre Sol, VASO, situé dans cette localité de Machitsi, en commune Guiheta de la province Gitega. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne journée dominicale à tous et à tous. Au revoir.